Déjà la ville au loin ne semble plus qu'un mirage. Aux reflets incertains ondulant dans le sillage. Fini le bruit des foules et le chahut des voitures. Partout aux alentours, on n'entend plus qu'un murmure. Les arbres qui défilent au long des bords du canal étendent sur la berge claire leur ombre matinale. Dans la brume lointaine, par-delà les cultures, un clocher solitaire semble rêver d'aventure. En regardant passer le marinier, en regardant passer le marinier. L'eau qui coule indolente au-devant de son voyage renvoie dans son miroir les tableaux du paysage. Psyché des libellules et des araignées d'eau, filin du funambule où glisse son long bateau. Par ce décor, tout à la gloire de Monet. Un peintre sous les branches a dressé son chevalet. Comme un vieux camarade, un pêcheur lui fait signe, allume une bouffarde en relevant sa ligne. Regardez passer le marinier. Regardez passer le marinier. Marinier d'aussi loin que je te vois venir, ton chaland qui effleure l'eau de mes souvenirs redonne au vieux chenal la magie d'autrefois. Un défi au temps qui s'emporte parfois. Marinier, si ton visage a perdu son sourire, ton cœur est aussi grand que la cale de ton navire. Sur la belle aventure ou le Saint-Nicolas, même si ta vie est dure, tu n'en changeras pas. Chemin de terre où flânent quelques badauds. Le temps s'écoule encore au rythme du pas des chevaux. Et sur les vieux bancs de bois, les couples amoureux s'échangent des promesses du bonheur plein les yeux. Quand mes idées sont grises d'un monde qui tourne à l'envers, si je suis fatigué de ces cris et de ces guerres, je reviens par habitude sur la rive ombragée, retrouver la quiétude sur les bancs de bois usés. Je regarde passer le marinier. Et je regarde passer le marinier. Je regarde passer le marinier. Je regarde passer le marinier. l'heure de passer, le marinier